Philippe Fournier. Bonjour à tous. Une avancée qui pourrait révolutionner la médecine au CHU de Montpellier. Une docteure travaille au sein d'un consortium européen sur une future détection du cancer de la prostate par une simple prise de sang. Le cancer de la prostate est actuellement le plus répandu en France avec 50 000 nouveaux cas chaque année. Il est aujourd'hui dépisté par une biopsie par voie transrectale. Angela Merkel ne se laissera pas malmener par la classe politique allemande. La chancelière a rejeté hier après-midi un ultimatum qui lui avait été imposé par la droite allemande. Le ministre de l'Intérieur a même menacé de fermer les frontières du pays en juillet prochain si Merkel ne parvenait pas à conclure un accord avec les dirigeants européens sur la question migratoire en marge d'un sommet qui doit avoir lieu à la fin du mois de juin. Séparer les enfants de leurs parents est inadmissible, dénonce le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Une attaque directe contre la politique américaine qui sépare en ce moment les enfants de leurs parents entrés illégalement à la frontière mexicaine. Un petit peu plus tôt, c'est Melania Trump qui faisait connaître sa position, disant détester cette idée. Le Conseil d'État a annulé hier l'une des trois sanctions prises en 2017 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel contre la chaîne C8 après la diffusion de plusieurs séquences controversées dans les émissions de Cyril Hanouna. La sanction annulée, une privation de publicité pendant une semaine au sein de l'émission Touche pas à mon poste, avait été décidée par le CSA après un canular diffusé en novembre 2016. Grosse frayeur pour les joueurs de l'Arabie Saoudite. Un moteur de l'avion qui transportait l'équipe hier dans la soirée a pris feu en raison d'une défaillance technique avant l'atterrissage en toute sécurité à Rostov. L'instance s'est montrée rassurante sur Twitter, déclarant que les joueurs de l'équipe nationale étaient donc sains et saufs, alors qu'une vidéo visible sur les réseaux sociaux montrait des flammes s'échappant d'une aile de l'appareil. Et puis sur le terrain hier du Mondial, l'Angleterre a battu la Tunisie 2-1 et a répondu ainsi à la Belgique victorieuse du Panama 3-0 dans le groupe G. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Nous sommes en direct des Trépani jusqu'à 9h pour l'inauguration de la Ludomédiathèque. Morning Light sur Espace. Et oui, on déplace l'antenne jusqu'à 9h, ça y est, nous y sommes. En direct de la Ludomédiathèque du Vexin Normand pour son inauguration. Tout nouveau lieu basé sur la lecture et la culture en général. Tous les acteurs, justement, de cette création seront présents avec nous entre 8h et 9h, dont Madame Forzi, qui est la présidente de la communauté de communes du Vexin. Normalement, on les remercie d'avance pour l'accueil. Vous pourrez suivre l'émission sur Facebook, sur Twitter. Mais comme d'hab, d'ici 7h30, en gros, je suis seul face à vous, mais avec plein de sons, plein de tubes. Tout à l'heure, 7h55, toujours vos places pour Rock in Évreux à gagner, des coups de fil. 6h25, 8h25, on va parler de la fête de la musique à Louviers avec Guillaume qui s'en occupe. À 7h40, pile ou face de l'info. 7h50, 8h40, la route, bien sûr. 8h08, pensée positive. 8h20, Johanna, l'actu originale. Et donc, en direct, des Trépani jusqu'à 9h. On commence par Calvin Harris et Dua Lipa. L'émission sur les réseaux. Grand life.

Il est 6h15. La plus normande des radios, les titres de l'info. Bonjour à tous, le carré des docks au Havre a lieu hier de l'Assemblée plénière du Conseil régional de Normandie a été le théâtre également de plusieurs manifestations à proximité. Tout d'abord, des personnels des centres d'information et d'orientation. À l'aune du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 25 CIO en Normandie seraient menacés de fermeture, dont deux à Rouen et ceux de Louviers, Elbeuf ou Évreux. Et puis des cheminots venus de Rouen, Caen ou de l'Orne ont manifesté contre la réforme ferroviaire. Enfin, les hospitaliers de Pierre-Janet au Havre ont dénoncé, eux, leurs conditions de travail. Une distribution de tracts est prévue ce matin en gare d'Évreux par un collectif d'opposants à la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Le tracé envisagé donne des sueurs froides aussi bien aux élus des villages concernés qu'aux agriculteurs qui craignent de voir leurs terres disparaître. Des craintes expliquant une opposition ferme à ce projet estimé à 1,1 milliard d'euros alors qu'il serait nettement moins onéreux de moderniser l'existant selon les opposants. Plus d'infos dans moins d'un quart d'heure. Espace. La plus normande des radios. Showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ніколи не вірь тому, що написано. Да. Да. Espace. 6h22 et tous les mardis, atelier cuisine de 14h à 16h. Ça se passe du côté des Andelys, à la Maison de la Famille et des Solidarités. 02 32 54 75 63 pour en savoir plus. En direct des Trépanis, l'horoscope. Voyez la journée d'un bon œil avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys. Bonjour, nous sommes le mardi 19 juin. Bélier, vous vous sentirez mal sur cette affaire. Heureusement, votre moral est bon, ce qui vous permet de bien négocier une transaction longue et périlleuse. Taureau, ne vous laissez pas aller aux lamentations. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Les notes et les factures n'arrivent pas toujours au bon moment. Gémeaux, il vaudrait mieux planifier à l'avance vos réunions entre amis. Organisez-vous sérieusement. Cancer, vous désespérez à tort de l'opinion de quelqu'un que vous admirez. Les bonnes relations que vous avez eues jusque-là vont encore s'améliorer. Lion, tout ce que vous toucherez va vous réussir, car la chance est avec vous maintenant. Certaines réponses utiles aux questions intimes pourraient trouver réponse bientôt. Vierge, vous pourriez bien avoir un emploi du temps chargé de rendez-vous. Vous aurez des délais à respecter ou des horaires à ne pas dépasser. Balance, vous saurez utiliser intelligemment l'occasion de vous rapprocher de quelqu'un qui vous est proche. Scorpion, vous savez que votre honnêteté sentimentale n'est pas à mettre en cause. Faites-le entendre bien haut sans attendre. La sincérité paye toujours en retour. Sagittaire, c'est la forme, la grande forme, et vous saurez utiliser tous vos moyens, surtout que l'on vous fait une proposition des plus tentantes. Capricorne, vous allez avoir envie de bouger. Vous ne saurez pas rester en place. Pour modérer votre impatience dans la vie, vous faites de sérieux efforts. Verseau, ne donnez à aucun prix votre opinion personnelle sur un sujet sans grand intérêt. Cela pourrait choquer une personne de votre entourage. Poisson, vous allez pouvoir saisir d'instinct une très belle opportunité. Votre intuition naturelle vous permettra de prendre les décisions qui s'imposent pour atteindre les objectifs fixés. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. C'était votre horoscope avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. Morning Light sur Espace. Cédric vous file le contrôle de la radio. C'est l'événement du jour. Et c'est bien sûr la fête de la musique. On va commencer par Louviers. On appelle tout de suite un des organisateurs à la gare aux musiques au service culture. C'est Guillaume Poignard pour en savoir plus. C'est parti. Bonjour. Bonjour Guillaume, c'est Cédric Espace, Normandie Picardie, fidèle au poste. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, ma foi, ça va très bien. Surtout que la fête de la musique se prépare le 21 juin. Allez, en 30 secondes, qu'allons-nous pouvoir découvrir à Louviers durant cette soirée? Eh bien, comme la plupart des années, il y a donc la gare aux musiques, l'école de musique, donc, la ville de Louviers qui organise pas mal de choses, et puis bien sûr, pas mal de bars, de restos qui invitent des artistes, donc un peu partout dans le centre-ville. Le jeudi 21 juin, ce sera principalement à partir de 18h-18h30 hein, que les concerts vont commencer. Mais je sais qu'il y a même des DJ qui commenceront dès 14h. C'est dire s'il y a de l'ambiance. Allez, si on devait citer un des groupes en 10 secondes, lequel on irait voir? Petit focus sur le groupe Barbe Noire. Le groupe Barbe Noire, c'est un groupe d'Évreux avec lequel on travaille pas mal. Et si, pour résumer vraiment très grossièrement, si vous êtes fan de AC/DC, alors là, vous allez en prendre plein les oreilles. Donc à Louviers, fête de la musique ce 21 juin. Merci Guillaume. Eh bien écoutez, rendez-vous jeudi prochain alors. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez. Espace. Change me, and I don't do me. Espace, l'actu en Normandie. Bonjour à tous. Le carré des docks au Havre, lieu hier de l'Assemblée plénière du Conseil régional de Normandie, a été le théâtre également de plusieurs manifestations à proximité. Tout d'abord, des personnels des centres d'information et d'orientation. À l'aune du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 25 CIO en Normandie seraient menacés de fermeture, dont deux à Rouen et ceux de Louviers, Elbeuf ou Évreux. Et puis des cheminots venus de Rouen, Caen ou de l'Orne ont manifesté contre la réforme ferroviaire. Enfin, les hospitaliers de Pierre-Janet au Havre ont dénoncé, eux, leurs conditions de travail. Les propos discriminatoires de la responsable de l'adoption du département condamnée par le président de Seine-Maritime. Lors d'un reportage de nos confrères de France Bleu hier matin, l'agent du département a évoqué l'adoption d'enfants par des couples homosexuels en ces termes. Eux-mêmes sont un peu atypiques par rapport à la norme sociale, mais aussi la norme biologique. Il faut donc que leur projet supporte des profils d'enfants atypiques, fermez les guillemets. En fait, des enfants soient grands, avec un problème de santé ou un handicap. Une phrase dénoncée sur les réseaux sociaux est par Thomas Leroy, le président de Gaieté Normande, une association LGBT. C'est extrêmement choquant. Ça veut dire que l'enfant qui ne suit pas un parcours de jeune, beau et blond, presque à rien, j'ai envie de dire, devrait être donné à des couples qui sont eux-mêmes mal façonnés par rapport à une norme érigée. Pour moi, c'est aussi violent envers les homos qu'envers les enfants adoptés par rapport à ce message-là. Les gens qui font cette démarche-là ne veulent pas être des homos, ils veulent être des parents. Et tout à coup, on décide que ces parents-là ne sont pas des parents légitimes, quand bien même tous les critères à l'étude du dossier serait dans le vert, tout à coup il y aurait un critère supplémentaire. Est-ce que ce sont des propos discriminatoires ? Totalement. Pascal Martin, le président de Seine-Maritime, a dans un premier temps précisé que tous les dossiers étaient examinés de manière non discriminatoire avant de condamner les propos de son agent. L'opposition demande, elle, une évaluation de la gestion par le département des démarches d'adoption. Une distribution de tracts est prévue ce matin en gare d'Évreux par un collectif d'opposants à la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Le tracé envisagé donne des sueurs froides aussi bien aux élus des villages concernés qu'aux agriculteurs qui craignent de voir leurs terres disparaître, ainsi qu'aux propriétaires redoutant la dégradation des paysages et l'effondrement du marché immobilier. Des craintes expliquant une opposition ferme à ce projet estimé à 1,1 milliard d'euros alors qu'il serait nettement moins onéreux de moderniser l'existant selon les opposants. Selon une étude de l'INSEE Normandie, l'année 2017 confirme une embellie du marché du travail. Pour la deuxième année consécutive, l'emploi salarié marchand augmente dans la région de 4 000 salariés, soit 0,6% en plus par rapport à 2016. Cette progression reste toutefois près de 3 fois moins soutenue dans notre région qu'au niveau national. 6 ans après avoir quitté son emplacement à proximité du quai des Croisiéristes en raison de travaux d'aménagement, un sarcophage gallo-romain va y retrouver sa place ce mardi. En effet, cette stèle avait été découverte en 1964 au bas de l'avenue de l'Ardèche. À l'intérieur reposait une jeune gallo-romaine entourée de bijoux et d'une fiole de parfum. La sépulture date du milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, une période précédant les grandes invasions qui sonnèrent la fin de l'Empire romain. Après remise en état, le sarcophage sera donc de nouveau exposé cet après-midi. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Après quelques brumes matinales suivies d'une large couche nuageuse, ça devrait s'améliorer dans la journée. Le thermomètre à 21 degrés sur Pont-Audemer, 22 sur le Neubourg ou encore Rouen, 23 sur Bernay, Louviers, le Vexin Normand, le Pays de Bray ou encore le Beauvaisis et 24 sur Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. En direct des Trépanis jusqu'à 9h. Bon réveil chez vous avec Sean Paul et Major Lazer dans la voiture. With a body like that, when you Snapchat me, girl, send me up your screenshot. So me call her scotch bonnet. So the girl hot, she a bubble like soap, that a real pepper pot. Check your iPhone for the iMessages. Send me outside, park up in at the X6 with the Guinness and Magnum, ready with the mix. So me know tonight your business get fixed, girl. Me love all your wine and bubble, girl. When you go on your toe and tip on it, body look tight and right, girl. When you print up your thing and grip on it, treat me like a app when you hot. Put me on the desktop, then you double click on it. Me why you bum flick on it? Do all kind of trick on it. Wine girl,

nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I don't want you to think I'm rushing you. Your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want, girl. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Say what? You don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait. Nous sommes en direct des Trépani ce matin et ce jusqu'à 9h. Rendez-vous pour le festival de musique et d'imagination et Starmania. C'est 26 et 27 juin. Ça se passe du côté du théâtre Charles Dullin au Grand Quevilly. Espace. Espace. L'info high-tech. L'info high-tech. Salut, aujourd'hui une histoire originale. Quatre lycéens proposent de produire de l'électricité avec l'eau des gouttières. Valentine, Charlotte, Maxime et Nicolas ont remporté le concours Science Factor en réalisant une turbine qui produit de l'électricité à partir de l'eau des gouttières. L'idée est venue en entendant le bruit d'une chasse d'eau, ce qui donne le sourire aux lèvres aujourd'hui aux lycéens lorsqu'ils en parlent aujourd'hui. Cette idée, loin d'être saugrenue, a permis à Nicolas, élève en terminale S, et trois de ses camarades de décrocher le premier prix du concours Science Factor, concours national d'innovation technique et scientifique. Nicolas, Maxime, Charlotte et Valentine ont sérieusement bûché en dehors de leurs heures de cours pour élaborer un projet qui leur permet de décrocher le Graal. Un travail de 5 mois pour élaborer une turbine transformant l'eau des gouttières en électricité. Le projet a évolué au fil des années. Ils ont fini par proposer quelque chose de réaliste et envisageable industriellement. Avec ce système, une famille de 4 personnes vivant dans 100 mètres carrés pourrait réduire sa facture annuelle d'électricité de 17 à 20%. Ce n'est pas négligeable. Et vous pouvez vous rendre sur Internet, sur le site du concours Science Factor, pour avoir plus de détails sur cette très belle évolution high-tech. Car oui, c'est avec les nouvelles technologies qu'ils ont pu créer tout cela. Vous aussi, vous avez des news dans ce style, balancez-les sur mon mail cedric@espace.fm et j'en ferai l'écho à l'antenne de la Plus Normande et Picard des radios. Tout de suite, on repart avec le meilleur des sons et des tubes. Ciao. Écoutez, la Plus Normande des radios. Espace. C'est ma radio. Webnoumi. Taxi 5. C'est l'Algie, DJ Core. J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, m'attarder devant la vie. J'veux la marie mariée, mais faut les billets. Cagoule et gantée, j'vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, j'fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Va venir ma belle.

sur les années 90. Espace 90. Espace est en direct de la Ludo Médiathèque des Trépanis, nouvel établissement culturel. On va en parler entre 8h et 9h avec, entre autres, Madame Forzi, présidente de la communauté de communes du Vexin Normand, qui finance ce nouveau lieu qui est pour vous, qui est un peu intergénérationnel et surtout très nouvelle techno. Vous saurez tout, c'est vraiment incroyable. Et pour être dedans, je trouve ça très joli. On en parle. Et puis dans une heure, vos places pour Rock in Évreux, Fat and Small. What's wrong with you? Des Trépanis jusqu'à 9h, Espace en Normandie et en Picardie, il est 7h, l'info. L'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Donald Trump poursuit l'escalade dans la guerre commerciale contre la Chine en menaçant de taxer 200 milliards de dollars d'importations supplémentaires pour compenser le vol de technologies et de propriétés intellectuelles américaines, en annonçant vendredi des taxes de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises, une menace à laquelle le géant asiatique est resté sourd puisqu'il a annoncé dans la foulée des mesures américaines qu'il imposerait des taxes à l'identique sur des marchandises américaines. Eh bien, Trump met sa menace à exécution en demandant aux représentants américains en commerce d'identifier 200 milliards de dollars de biens chinois en vue de tarifs supplémentaires de 10%. Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent aujourd'hui pour un conseil ministériel franco-allemand consacré à la réforme de la zone euro et à la question brûlante de l'accueil des migrants qui divise profondément l'Union européenne. Grèves à répétition et un matériel vétuste, un rapport de la commission des finances du Sénat dresse un constat sévère sur le contrôle aérien français et pour la période 2004-2016, la France enregistre 254 jours de grève de ses contrôleurs aériens. La Grèce, deuxième sur le podium, affiche seulement 46 jours. Le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 10,8% hier, soit le niveau le plus bas depuis le lancement du mouvement contre la réforme ferroviaire, donc début avril. Grosse frayeur hier pour les joueurs de l'Arabie Saoudite. Un moteur de l'avion qui transportait l'équipe de football dans la soirée qui a pris feu en raison d'une défaillance technique avant l'atterrissage en toute sécurité à Rostov. C'est ce qu'a annoncé la fédération saoudienne. L'instance s'est montrée rassurante sur Twitter, déclarant que les joueurs de l'équipe nationale étaient donc tous sains et saufs. Et puis sur le terrain, l'Angleterre a battu la Tunisie 2-1 hier soir et a répondu ainsi à la Belgique, victorieuse du Panama 3-0 dans le groupe G. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Nous parlions hier matin des bouquinistes au bord de la Rille, l'événement qui aura lieu ce week-end. On repasse le coup de fil à 7h25 maintenant, Sound of Legend. Morning Light sur Espace. Sur Espace. Tu me disais que l'on s'aimait, que tous les deux on était liés. Aujourd'hui c'est terminé, tu pourras bien me consoler. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai été béni par la colombe. Je sors enfin de ma tombe, plein de femmes qui m'attendent. You and I, you and I, you and I.

Pas mal. Espace. Le réflexe environnement. Salut, aujourd'hui, on va faire un focus sur les consommations d'énergie liées à notre usage d'Internet. Tout d'abord, Internet compte 3,81 milliards d'internautes, soit 51% de la population mondiale. Mais savez-vous que cela rejette autant de CO2 que le transport aérien planétaire ? Et vous avez une idée du pourcentage de la consommation électrique mondiale que cela représente ? Non, 7%. Le problème est que cette consommation d'électricité double tous les 4 ans. Or, nous ne sommes pas capables de doubler la production dans le même laps de temps. Alors que faire ? Les géants du web se mettent au vert, notamment pour leurs serveurs qui nécessitent de grosses quantités d'énergie pour se refroidir. Et nous, dans tout cela, que peut-on faire ? 50% des utilisateurs n'éteignent pas leur ordinateur à la fin de la journée, soit 9 millions de kWh consommés chaque jour. Pensez à éteindre l'ordinateur. Chaque Français imprime plus de 6000 pages par an, dont 15% sont oubliées à la sortie de l'imprimante. La fabrication d'une page, c'est 10 watt-heure et environ 2 litres d'eau, imprimée en recto verso et lorsque c'est nécessaire. La box internet, c'est le 13e mois de facture. Sa consommation en une année est de 30 à 40 euros. Couper la box télé, éteindre la box lorsque nous n'en avons pas besoin. Pour les chaînes nationales, privilégier la réception par antenne, TNT, plutôt que par internet. Vider régulièrement sa boîte mail, privilégier les fournisseurs locaux. C'était la chronique de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'heure, qui vous permet de faire des économies sur votre consommation d'Internet. Alors on compte sur vous. Et maintenant, zéro consommation. Mais les sons et les tubes sont de retour. Maintenant. Espace Radio. Nobody.

Pour rien dans le morning, c'est le pile ou face de l'info. Mardi 19 juin, pile ou face de l'info. Hier, Solène, Alex ou Solène aujourd'hui? Réponse maintenant, côté pile, l'heure, saut. Et côté face, Alex avec la Seine-Maritime, je lance la piécette. Et c'est la Seine-Maritime, on se connecte à Gournay-en-Bray. Alexandre. Salut Cédric. Salut, alors on va parler d'un sujet qui avait été évoqué la semaine dernière par Johanna. Mais alors toi, puisque tu es un vrai journaliste, tu as creusé celui-ci. Direction Gournay-en-Bray. Oui, effectivement, un habitant de Gournay-en-Bray. Alors, bon, si on en a déjà parlé, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais en fait, il s'agit effectivement d'un homme de 47 ans qui a passé le bac dernièrement et qui l'a obtenu. Alors, bon, ça ne t'aurait pas échappé que les lycéens en ce moment passent le bac hein, eux-mêmes. Ouais. Le plus jeune a 15 ans, le plus vieux a 66 ans hein, dans la région. Lui, cet homme-là, Pascal, a 47 ans. Il possède une longue expérience professionnelle. Il avait en effet arrêté ses études en 5e avant de passer un CAP maçon. Et d'occuper aujourd'hui un poste dans le génie civil. Alors de ses propres dires, hein, le quadragénaire aurait pu tout à fait se passer du bac, mais il a eu envie un peu de prendre sa revanche hein, sur l'école. Alors quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour lui? Alors il est passé par ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience, VAE, une sorte de mémoire en fait dans lequel il devait passer en revue ses compétences et décrire notamment comment il a participé à la rénovation du presbytère de la Feuilly, ou encore comment il a lui-même fabriqué son logement à Bosc-Yonce. Alors il a pu bénéficier notamment de l'aide d'un accompagnateur payé par la région pour l'élaboration de son dossier avant de passer un oral devant un jury de 10 professionnels durant 30 minutes. Alors bien sûr, il a dû prouver ses acquis hein, dans les mathématiques, par exemple, ou la langue portugaise et l'artisanat. Mention quand même du jury qui l'a félicité pour sa maîtrise des compétences professionnelles et du vocabulaire technique. Bravo Pascal! De l'info, des bons plans et de la bonne humeur, le Morning Light avec Cédric et toute sa team. Tous les matins, 6h-9h, sur Espace. Mmh. Oh. Zé. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut des petits, ma carte de crédit. Photo Snapchat du lundi au lundi. Elle est dans son délire, elle même quand y a la wifi. Tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux. Je suis pas contre, mais il faut doser. Comprends qu'on peut pas tout exposer sur nous. Love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme. C'est sa façon d'être love de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on sera

Maintenant. Espace Vexin, Pays de Bray, 101.3. 101.3. Priorité au tube. For You sur Espace en Normandie, en Picardie. Bonjour Solène. Salut Cédric. Le savais-tu? Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on effectue en moyenne 7500 pas par jour. C'est pas mal. Est-ce que tu es dans ce nombre-là ou moins? Moi, je pense être à moins. Enfin, oui. Ça dépend. C'est ça. Selon les tafs, hein, nous, on reste pas mal au bureau. Donc, du coup... Non, mais non, on fait la navette entre le bureau, le studio, les gens. Et la machine à café, bien sûr, que je vous conseille tout de suite de prendre en écoutant Solène. Est-ce que les mauvaises nouvelles sur le réseau routier passent mieux avec un café? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce point infotrafic, pas mal de difficultés sont relevées ce matin. D'abord sur l'agglomération rouennaise avec la Sud 3 qui bouchonne depuis le Petit Quevilly jusqu'aux portes de Rouen. Des ralentissements sur le pont Matine de place Saint-Paul, mais aussi à hauteur du pont Guillaume le Conquérant et des boulevards rive droite avec plusieurs tronçons fermés à la circulation. Également des difficultés pour quitter l'agglomération rouennaise et rejoindre l'autoroute en direction de l'Eure ou de Paris au niveau de la jonction A13 à 139. Toujours sur le réseau autoroutier, les bouchons sont déjà denses depuis Pont de l'Arche pour rejoindre l'échangeur 20 de Criquebeuf-sur-Seine. Même constat au niveau de l'échangeur 24 de Bourtereuld sur la D438 et la D675. Sur le réseau secondaire, bouchons entre Rival et les Essarts et à l'entrée d'Evreux en passant par l'avenue Aristide-Briand depuis Gravigny.

En direct de la Ludo, médiathèque du Vexin Normand, ici à Étrépagny, et ce jusqu'à 9h, dès 8h. On parle de tout cela. Et puis, attention, maintenant, 0950 35 50 50. Vous appelez et vous gagnez vos passes 3 jours pour le festival Rock in Évreux. DJ Snake, Feder, Synapson, Martin Solveig, Dadju ou encore Kyo. 0950 35 50 50. Vous appelez maintenant. Vous êtes dans les premiers, c'est gagné. Vous êtes très nombreux, hein, donc soyez, comment dire, très persuasifs pour les gagner. Espace. Toutes les années 90 sont sur Espace. Ludo, médiathèque du Vexin Normand, ici en direct des Trépani dans quelques minutes. 8h, c'est l'info. Bon réveil. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. Star Wars, Donald Trump a promis hier lundi d'assurer l'hégémonie des États-Unis pour l'exploration de la Lune et de Mars, mais aussi dans toute éventuelle guerre spatiale avec la création future d'une force de l'espace. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le milliardaire s'est investi donc dans les sujets spatiaux. Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent pour un conseil ministériel franco-allemand consacré à la réforme de la zone euro et à la question brûlante de l'accueil des migrants qui divise profondément l'Union européenne. Grèves à répétition et un matériel vétuste. Un rapport de la commission des finances du Sénat dresse un constat plutôt sévère sur le contrôle aérien français. Pour la période 2004-2016, la France a enregistré 254 jours de grève de ses contrôleurs aériens. La Grèce, deuxième sur le podium, affiche seulement 46 jours. Grève ou non, cet été à la SNCF sera l'objet d'une réunion de l'intersyndicale CGT, UNSA, SUD et CFDT ce soir. Après le report de celle prévue hier lundi, certains syndicats donc ne pouvant y être présents. Le taux de grévistes à la SNCF est tombé d'ailleurs à 10,8% hier, soit le niveau le plus bas depuis le lancement du mouvement contre la réforme ferroviaire début avril. Après la philo, place à l'histoire géo en filière scientifique. Cette épreuve a un coefficient 3, 4 en L et 5 en ES. pour les élèves de STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Le coefficient est de 2. Bon courage donc aux lycéens qui planchent ce mardi. Le mondial 2018, encore un programme chargé pour les amateurs de football. La Colombie affronte le Japon tout à l'heure à 14h et la Pologne va se mesurer au Sénégal à 17h. À 20h, la Russie va tenter de confirmer sa bonne forme lors de son match contre l'Égypte pour leur premier match du mondial. Les Russes avaient triomphé 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Et puis hier, l'Angleterre a battu la Tunisie 2-1 et a répondu ainsi à la Belgique, victorieuse du Panama 3-0 dans le groupe G. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Espace déplace toute son antenne pour l'inauguration de la Ludo Médiathèque en direct des Trépanis jusqu'à 9h. Morning Light sur Espace. Et vous l'entendez, il y a du monde à Trépanis. On est à la Ludo Médiathèque du Vexin Normand. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde dans un studio pour cette saison. Ça fait plaisir. Merci pour l'accueil. On va parler de la Ludo Médiathèque du Vexin Normand ensemble pendant une heure. Un lieu à absolument découvrir, que vous allez justement découvrir avec nous. Déjà, le lieu est très très beau et hyper high-tech. Ça, c'est qu'une première partie de tout ce que vous allez pouvoir entendre pendant une heure. Et pour débuter cette émission, parce que c'est pareil, énormément d'invités, vous avez joué le jeu que des femmes. Voilà, j'ai un métier plutôt sympa. Et on commence par Perrine Forzi, présidente de la communauté commune du Vexin Normand. Bonjour à vous, Madame Forzi. Bonjour Cédric. Comment allez-vous ce matin? Eh bien, écoutez, parfaitement bien, en si bonne compagnie. Eh bien oui. Avec un auditoire, j'imagine, nombreux, donc ça fait plaisir. Exactement. Qui veut entendre parler de la communauté de communes du Vexin Normand? Alors moi, je pense toujours aux auditrices, aux auditeurs qui sont un peu loin, parce que vous pouvez nous écouter de Ponto de Mer, même jusqu'aux portes d'Amiens. D'où s'étend le territoire de la communauté de communes du Vexin Normand? Alors c'est une petite communauté de communes avec 40, qui comprend 40 villes et villages, entre Gournay-en-Bray, Beauvais, Rouen, Pontoise, Rouen, oui, et puis il faut aussi parler de Vernon, qui nous borde également. Ah oui, donc on se dit c'est Gisors, mais pas que en fait. Alors en fait, la communauté de communes comprend essentiellement deux bourgs. D'accord. En gros, Gisors, mm-hmm. petit. Mais pas mal quand même. Conséquent et très pâli. Et ensuite, des communes qui aussi entre 150 et 800 habitants. Alors, une question, je ne l'avais pas prévue. Si vous deviez définir votre communauté de communes du Vexin Normand en une petite phrase, que ce soit au niveau du cadre de vie, que ce soit au niveau culturel, qu'est-ce que vous diriez? Alors, c'est un territoire où il fait bon vivre, verdoyant. C'est une image, en fait, que les personnes qui arrivent de l'extérieur, en fait, nous donnent. Enfin, nous disent que vraiment, c'est très beau. Très beau. Je pense que peut-être que les habitants du territoire l'oublient. Parfois. C'est vrai. Voilà. Oui. On a beaucoup de chance d'habiter une aussi jolie campagne à proximité de villes importantes avec beaucoup de services ou avec en fait des services qui sont sur le territoire même. Au niveau patrimoine, on en reparlera tout à l'heure avec l'Office de tourisme, mais s'il y avait un des lieux emblématiques de la communauté de communes du Vexin Normand, il y en a plusieurs, vous allez me dire, mais un en particulier. Ah bah, c'est le château des Templiers de Gisors. Bien sûr. En fait, c'est un bijou médiéval que l'équipe municipale actuelle s'est engagée à véritablement mettre en valeur, et l'Office de tourisme communautaire a aussi cette vocation. Mais après, il y a une multitude de petits patrimoines dans les communes, de très belles églises, par exemple. Sans indiscrétion, vous êtes de la communauté de communes du Vexin Normand, vous habitez où, on peut le dire ou pas? Oui, bon, c'est pas un secret. Vous n'avez pas l'adresse exacte ni le numéro de téléphone, et non, ça va bien se passer. Gamache-en-Vexin. Gamache-en-Vexin, voilà. Très bien. Donc voilà, c'est un des exemples d'une des communes de la communauté de communes du Vexin Normand. Est-ce que je dis une bêtise, mais c'est pas grave, je vais la dire, je suis payé pour ça. Si je dis que c'est un territoire rural, est-ce que c'est une bêtise? Ah non, c'est un territoire rural et on est fiers de l'être. Exactement. Et c'est un territoire rural qui en fait attire à la fois des personnes pour des résidences secondaires, mais aussi pour y venir vivre. L'inconvénient de la chose, c'est qu'on n'a pas suffisamment avec le développement économique, on s'emploie, on manque d'emplois. Donc justement, locaux, résidentiels. Ouais. Et donc beaucoup de familles font trop de routes pour aller travailler en fait dans les villes voisines. Très bien, venez travailler ici, alors dans la communauté de communes du Vexin Normand, l'accueil est super bien, et vous allez vous en rendre compte aussi qu'ici des lieux culturels existent, des lieux de rencontre aussi, on le sent, l'humanité ici, c'est la Ludo-Médiathèque du Vexin Normand, on va en parler en détail tout à l'heure. On va revenir dans 10 minutes avec vous, on va parler des projets de la communauté de communes du Vexin Normand. Je salue rapidement la boulangerie du Parvis qui nous offre les croissants et les pains au chocolat. Applaudissez-les, voilà, bravo.

Bonjour à tous. Hier, au Carré des Docks du Havre, avait lieu l'assemblée plénière du Conseil régional de Normandie, qui a été le théâtre de plusieurs manifestations à proximité. Tout d'abord, des personnels des centres d'information et d'orientation. À l'aune du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 25 CIO en Normandie seraient menacés de fermeture, dont deux à Rouen et ceux de Louviers, Elbeuf ou Évreux. Et puis, des cheminots venus de Rouen, Caen ou de l'Orne ont manifesté contre la réforme ferroviaire. Enfin, les hospitaliers de Pierre-Janet au Havre ont eux dénoncé leurs conditions de travail. On poursuit avec un accident de la route mortel hier sur la route départementale 145, la route d'Orbec, à hauteur de la commune du Planquet dans l'Eure, à la frontière du Calvados, près de Saint-Germain-la-Campagne. Hier, vers 17h30, une collision est survenue entre un cycliste et un utilitaire. Le cycliste, un homme de 83 ans, est décédé sur place. Et puis Pascal Martin, président de la Seine-Maritime, a réagi aux propos discriminatoires de la responsable de l'adoption au département. Ce sera l'objet de notre reportage dans l'édition complète de l'actualité régionale dans moins d'un quart d'heure. Toujours en direct, et on peut le dire en public, ici de la Ludo Médiathèque du Vexin Normand, pour découvrir ce tout nouveau lieu et aussi pour parler de la communauté de communes du Vexin Normand en général. Jusqu'à 9h, l'émission à suivre sur les réseaux sociaux Facebook Espace Normandie, Twitter @Espace Normandie, Instagram Espace Trait d'Union Normandie, des photos, vidéos aussi de la première intervention, et il y a pas mal de monde, et ça, je voulais le saluer. Merci à vous de vous être levé aussitôt. Madame Fordy, vous êtes présidente de la communauté de communes du Vexin Normand. On va parler des projets de la communauté de communes. Allez, si on devait en garder un, là, maintenant, dans l'avenir, qui vous tient particulièrement à cœur, ce serait lequel ? Alors, puisqu'en plus nous sommes dans la ludomédiathèque des Trépani, alors à l'évidence, c'est le futur pôle culturel à Gisors. Voilà, notre projet, c'est de transformer la bibliothèque actuelle de Gisors en un pôle culturel, avec un sujet qui tient vraiment à cœur des Gisorsiens, mais de l'ensemble de notre population, c'est en fait le cinéma. Parce que le maire de Gisors a dû fermer l'ancien cinéma Jour de Fête à Gisors il y a approximativement 2 ans maintenant. D'accord. Et ça nous manque tous beaucoup. Alors il est actuellement accueilli dans une salle mise à la disposition par la paroisse. Mais là, donc, en fait, un cinéma et à côté duquel il y aura en fait une médiathèque. D'accord, donc un pôle qui va réunir les deux. Un pôle culturel en plein centre de Gisors, le long de la rivière. Donc voilà, je pense que ce sera un endroit vraiment ressource pour l'ensemble de la population. Ce sera à l'orée quoi, 2019, 2020? Alors, on va bientôt retenir la maîtrise d'œuvre, 2020, 2021, enfin, en tout cas en deux temps. D'abord le cinéma, parce que D'accord. c'est vraiment le plus urgent, et ensuite la médiathèque, parce qu'il va falloir en fait, le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir déménager une école. Il y a toujours du travail, oui, du coup. Oui, et puis des changements pour la population, donc effectivement, il y a toujours un peu de nostalgie. Bon, bonne nouvelle en tout cas, un pôle culturel qui arrive. Au niveau des infrastructures, on m'a glissé à l'oreille la piscine, mais peut-être pas que. Alors, au niveau de la culture, je pense que des collègues vont en parler tout à l'heure. Mais c'est au niveau des infrastructures. Des infrastructures. C'est le matin. Alors, oui, nous avons 2 piscines. Alors, pour une petite intercommunalité. C'est pas mal, 2. C'est beaucoup. Il y a de quoi plonger. Il y a de quoi plonger. Donc, il y a un centre nautique qu'on partage avec nos voisins, dont on partage, en fait, j'allais dire les coûts. Oui. Et l'usage avec nos voisins du Vexintel, que je salue. Bonjour. Par la même occasion, bonjour à eux. Et donc ça, vraiment centre nautique et une piscine très sympathique à Étrépagny aussi. C'est ce qu'on appelle en fait une piscine tournesol. Alors, l'avantage, c'est qu'elle s'ouvre. Ah, bien, pour l'été. Voilà, pour l'été. Très bien. Il y a la plage. En extérieur, pour bronzer. Pour bronzer, il y a un bon accueil. Bon, en gros, j'ai compris, comme ici, de commune du Vexin Normand, vous venez, vous apprenez des choses dans le domaine culturel, et après, on va faire une petite trempette. Mais pas que, bien sûr. Je réduis exprès, parce que nous allons parler tout à l'heure donc, du domaine culturel, même si on l'a évoqué un tout petit peu. Et puis, des sorties aussi avec l'Office de tourisme, auquel j'ai l'occasion de rencontrer régulièrement, entre autres, aux fêtes normandes. Et il y a énormément de lieux à visiter ici. On va en parler tout à l'heure avec Gwenola. Madame Fordy, c'était court, mais c'était bon et c'était efficace. Je vous remercie d'avoir pris du temps ce matin, de vous être réveillé pour nous ici sur Espace en Normandie, en Picardie. On peut applaudir votre présidente, s'il vous plaît. Ça se fait. Ça se fait. J'imagine que la journée va être longue maintenant. Ce n'est que le début de la journée. Il y a d'autres rendez-vous après, parce qu'on se dit toujours, les présidents ont des longues journées. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, tout à fait. Là, on va aller parler de mobilité. parce que c'est un gros sujet, notamment en milieu rural. On sait bien, on ne peut pas avoir des lignes de transport, collectif dans l'ensemble des villages. Donc c'est un vrai sujet pour les personnes âgées et puis les personnes qui ont besoin d'aller vers l'emploi. Donc, Et très bien. Mobilité, justement, moi je vous invite à venir ici dans la communauté de communes du Vexin Normand. On y est très bien accueillis. On repart en musique, on se retrouve tout à l'heure. Johanna dans quelques secondes. Et maintenant, Benjamin Braxton. Step by take is an issue. We fail to give, we fail to love. Now I know without you how this, how this. Une info originale, c'est Johanna. Mardi 19 juin, l'actu originale, c'est Johanna. Je la retrouve, elle m'entend, elle me voit même. Comment ça va? Ça va et toi Cédric? Ah, ça va bien. Toujours avec le fidèle chien qui est à côté de toi. Il garde toujours, son assise toute la semaine. Toujours, toujours. Bon, coucou à Maki. Alors, le panorama XXL, bon, il dégage, on peut le dire. À tes souhaits. Et encore à tes souhaits. Excuse-moi. Le panorama XXL, surnommé le pot de yaourt. Ouais. Qui trône, j'utilise le mot trône, fièrement et fidèlement sur les quais de Rouen, juste en face de la préfecture. Ouais. Va nous quitter. Oh, c'est dommage. Il va être détruit alors. Il va être détruit, déplacé, on ne sait pas encore. Normalement, il aurait dû être enlevé, nous allons dire enlevé, car on ne sait pas ce qu'il va devenir, en 2019, sauf que le bail, avec des grands guillemets, a été prolongé jusqu'en 2021. C'est donc à cette date qu'on prévoit la disparition, la mort, toujours ouais, dans la joie et la bonne humeur, de ce pot de yaourt. C'est dommage, parce que imaginons qu'on ait les Jeux Olympiques, on n'aura pas le panorama XXL pour briller, nous, à travers cette compétition. Oui, alors, je ne sais pas si ce panorama nous aurait permis de briller. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il accueillait des expositions qui étaient fort intéressantes, et c'est quand même un trou dans la culture rouennaise. Mais pas de panique, tout est prévu et tout est pensé pour remplacer ce manque. Très bien, merci Johanna. Voyez la journée d'un bon œil avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys.

Et oui, les jeunes de l'Adotech, on en parlera tout à l'heure. Madame Blancard, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes vice-présidente en charge de la lecture publique et des médias, ça tombe bien, vous parlez dans les médias ce matin. Nous allons parler en général, on va dire, de la culture, de la lecture dans la communauté commune du Vexin Normand. Ça se passe comment? Quelles infrastructures avez-vous, à part cette belle ludomédiathèque dont on parlera dans quelques secondes? Donc la communauté de communes, c'est deux équipements pour la lecture publique. D'accord. Donc ce magnifique équipement ici à Étrépagny et la bibliothèque Guy de Montpassant à Gisors. Très bien. Donc notre but, c'est de développer la lecture publique au sein de notre communauté de communes en permettant à tous les publics d'emprunter le plus facilement possible, donc gratuitement. Alors voilà. C'est là où il faut insister, c'est que c'est gratuit. Gratuit, oui. Et c'est une volonté de la communauté de communes du Vexin Normand que ce soit complètement gratuit. Nous, Étrépagny, nous avions déjà, c'était déjà gratuit. Et quand nous avons repris la bibliothèque de Gisors, on a instauré la gratuité pour les deux équipements. Ce qui fait qu'on peut emprunter des livres, des CD, des DVD, des jeux. Tout cela gratuitement. Et alors, en nombre, que ce soit ici ou à la bibliothèque de Gisors, il y a un choix assez vaste, j'imagine. C'est 55 000 documents. Ah oui, donc c'est pas mal quand même. Donc, c'est pas mal. Avec des navettes entre les deux bibliothèques, ce qui permet aux habitants d'emprunter facilement des documents. Très bien. Et alors maintenant, il y a Ludo Médiathèque du Vexin Normand. En deux mots, présentez-la nous en deux secondes et après, avec Géraldine, on aura tous les détails. Mais la Ludo Médiathèque, c'est un équipement où on peut lire, jouer, parler, faire des découvertes. Eh bien nous, on a une découverte à faire, c'est celle de Géraldine que vous pouvez applaudir. Merci Madame Blancard, on peut l'applaudir aussi. Géraldine, il nous reste 1 minute 30 ensemble. Allez, en une minute, il faut que tu nous donnes envie de venir dans cette ludomédiathèque du Vexin Normand. Déjà, moi, je dis la première chose, c'est super joli, c'est hyper high-tech, mais pas que. Alors, il y a de l'imprimante 3D. Comment ça se passe concrètement? T'as une minute. Alors, la ludomédiathèque, il faut que vous imaginiez un endroit où vous allez pouvoir emprunter des livres, des CD, des DVD. Comme l'a dit Madame Blancard tout à l'heure. Mais pas seulement, c'est aussi un endroit où on va pouvoir jouer. D'accord. Où on va pouvoir emprunter des jeux. C'est un endroit où on va pouvoir avoir accès à des déguisements. Ah oui. C'est un endroit où on va pouvoir découvrir une ruche pédagogique. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à notre nouvel espace qu'on appelle le labo numérique. Oui, avec l'imprimante 3D, voilà, c'est ça. Imprimante 3D, des ordinateurs connectés à Internet. Tout ça en accès gratuit. D'accord. Voilà, c'est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de loisirs, un lieu de culture. On ouvrira prochainement, très prochainement, près de 33 heures par semaine, donc du mardi au samedi en continu. Et puis, il faut insister sur une chose que l'on voit bien ici, c'est l'humanité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est intergénérationnel aussi. Quand je suis venu visiter la semaine dernière, il y avait des personnes un peu âgées, on va dire. J'aime pas ce mot-là, les seniors, c'est mieux. Et puis, les très, très jeunes. Et c'est, comme tu le disais, un lieu de vie. On va continuer à en parler dans quelques secondes. Je vais te redonner du temps de parole, ne t'inquiète pas. Mais là, il y a Augustine qui veut chanter. Il s'appelle C'était hier. Sauf si tu veux chanter sa chanson. Non, ça ira, merci. Ok. Alors, on va écouter Augustine Galliana. C'était hier et c'est aujourd'hui sur Espace en Normandie, en Picardie, en direct de la ludomédiathèque du Vexin Normand. Et on peut vous applaudir. Au hasard, c'est fou, il est si tard. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'es devenu? Sur les bords du canal, ton sourire m'a fait mal. T'es comme l'été dernier, tu ne reviendras plus. Traverser le passé, t'offrir une cigarette et lire dans tes pensées. Si on allait faire la fête, je ne connais pas ton nom, mais je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, voyage sur les ports, le naufrage. Ma vie est un peu creuse. Et toi, es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop. Je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverser le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé, on a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Traverser, traverser le passé, renverse le futur, retenter l'aventure, enfin se laisser traverser, soigner la blessure, je voudrais connaître. C'était hier, on prenait les routes à l'envers, c'était hier. Augustine Gaillana, c'était hier ici à Trépanier aujourd'hui en ce mardi 19 juin 2018. Pour une fois, Solène, tu es loin de moi, tu m'entends à Louvier? Oui, je t'entends mon petit Cédric. Bon, alors on va parler des concours d'éloquence. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non, je n'ai pas besoin de concours pour être éloquente. C'est vrai. Non, mais pareil, c'est un véritable outil pédagogique pour les timides. Si vous êtes concerné, tentez l'expérience. Parfois, il faut aller au-delà de ces retranchements. Je pense que c'est bien pour aussi organiser un petit peu sa pensée et ses arguments, surtout. Exactement. Exactement, comme tu le fais maintenant, avec la route. Mais pour le point infotrafic, pas besoin d'argumentation, mon petit Cédric, seulement d'annoncer des constats. Et ce matin, le constat est là, il y a énormément de bouchons sur les routes normandes et picardes. D'abord sur la capitale euroise, au niveau des accès par l'avenue du Maréchal Foch, de la route de Conches, de la N13 et de la D6154 en provenance d'Angerville-la-Campagne. Sur le réseau secondaire eurois, les difficultés sont également à noter entre Égoville et Pont-de-l'Arche. Sur le réseau secondaire en Seine-Maritime, c'est entre Aurival et les Essarts que des bouchons sont constatés. Concernant le réseau autoroutier, l'échangeur de Cricq-Bœuf-sur-Seine connaît bien sûr des ralentissements depuis Pont-de-l'Arche. Enfin, le gros des bouchons se situe sur l'agglomération rouennaise, que ce soit la route de Paris depuis Saint-Adrien, le boulevard industriel ou la Sud 3 qui bouchonne depuis le Petit Quevigny, ou bien l'hypercentre avec principalement des difficultés à hauteur du pont Guillaume-le-Conquérant et des boulevards rive droite. Allez, Trépanier, on te salue. À tout à l'heure, Solène. À demain même. À demain. À demain. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Rendez-vous ce samedi 23 et dimanche 24 juin pour un week-end à la ferme d'antan au champ de course de Gournay-en-Bray. Au programme, démonstration de métiers anciens, animaux de la ferme, exposition de tracteurs et voitures neufs et anciens, mais aussi marché gourmand et fermier. Profitez de cette manifestation pour faire un baptême en ULM. Pour les enfants, piscine de paille et latino-drôle. Entrée 3 euros, gratuit pour les enfants et restauration sur place. Samedi et dimanche, rendez-vous à Gournay-en-Bray pour un week-end à la ferme avec l'association Passion Tracteur et Collection. Faut pas qu'on se plante. Paysagiste qualifié, entretien espace vert, création de jardins, élagage, pose de clôture. Faut pas qu'on se plante. C'est aussi un pépiniériste producteur local et un large choix de végétaux de qualité et de nécessaires pour le jardin en boutique à Pont-Saint-Pierre. Faut pas qu'on se plante est présent sur la vallée de l'Andelle et l'Aglo de Rouen. Faut pas qu'on se plante met à votre disposition une équipe passionnée et à votre écoute. Faut pas qu'on se plante, 48 bis rue René Rabant, Pont-Saint-Pierre. 06 64 38 14 60. Vous vous interrogez sur l'entretien de votre voiture. Votre voiture est une Peugeot. Que ce soit pour votre vidange, vos pneus, votre pare-brise ou même votre carrosserie, que Peugeot s'occupe de tout, c'est logique. C'est quand même eux qui ont fabriqué votre Peugeot.

8h50 en Normandie, en Picardie, on est bien ici, on va y rester toute la journée. Tiens, on est à la Ludo Médiathèque du Vexin Normand, super accueil, allez voir sur les réseaux, les photos, les vidéos, il y a du 360 degrés, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout un accueil super, un public très nombreux et ça fait plaisir. Et alors beaucoup de choses à dire, on a 7 minutes, c'est parti. On va commencer et on va terminer le propos de Géraldine. Donc sur la Ludo Médiathèque du Vexin Normand et le côté numérique des choses. On a parlé de l'imprimante 3D, mais je crois qu'il y a des ateliers, c'est ça ? Alors, effectivement, on a Étienne, notre animateur multimédia, qui nous propose depuis son arrivée des ateliers numériques, des formations pour les débutants, et puis très bientôt des ateliers de création autour du numérique, dont l'imprimante 3D par exemple, avec un atelier découverte le 20 juin. Ah bah c'est voilà. Demain ? C'est demain. Et bah exactement. Demain après-midi. Je continue juste très rapidement avec le Festival du Conte qui est organisé par une bonne partie des bibliothèques du territoire qui commencera le 29 juin avec une soirée pyjama à la Ludo Médiathèque et une sympa. Ouverture en nocturne, une journée d'animation autour de la lecture plaisir à Château-sur-Epte, un goûter conte à la bibliothèque de Gisors et une formidable balade contée en musique qui aura lieu le samedi 7 juillet à Véli. Et tu as utilisé le bon mot puisque tu l'es aussi, formidable, on l'applaudit, bravo! Dragueur à mes heures perdues, mais je fais gaffe parce qu'elle m'écoute. Merci beaucoup, merci Géraldine. On va donner la parole à une autre Madame Lefebvre, c'est Annie Lefebvre. Vous vous occupez du secteur petite enfance, entre autres. Alors, en quelques mots aussi, et on l'entend régulièrement sur l'espace à travers les spots que l'on passe de la communauté de communes du Vexin Normand, l'accueil de loisirs, petite enfance, c'est très important. Et ça marche comment chez vous alors ? Bonjour Cédric. Bonjour. Donc la communauté de communes offre beaucoup de services, de multiples services auprès des familles concernant d'accord. la petite enfance jeunesse. On va commencer par le multi-accueil Capucine qui a ouvert en septembre 2012 qui permet d'accueillir 40 enfants. C'est pas mal. C'est déjà bien. Exactement. Il y a le relais assistante maternelle qui permet le soutien à la professionnalisation des assistantes maternelles. D'accord, pour qu'elles s'occupent au mieux des enfants ici. Absolument. Nous avons également ouvert un lieu accueil enfants-parents, graines de famille, d'accord. au mois de mai dernier, sur deux sites, un à Gisors et un à Trépanier. Donc les enfants peuvent venir avec leurs parents, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est une structure qui constitue un espace de jeu libre. D'accord. Et surtout d'échange au niveau des parents. Très bien, ok. Et un petit dernier mot, une petite dernière... Et pour ce qui est de l'enfant jeunesse, nous avons les accueils de loisirs. D'accord. Qui sont ouverts sur 4 sites. Ça va commencer en plus bientôt. Voilà, absolument, à partir de juillet. Bon. Nous avons également aussi des mini-séjours. Nous organisons des mini-séjours au mois de juillet pour des enfants âgés de 4 à 14 ans. Ensuite, nous avons donc les mini-séjours et les camps. D'accord, ils vont pouvoir partir en vacances. Les camps qui sont organisés aussi au mois de juillet pour là des adolescents de 15 à 17 ans. Très bien, la transition est bonne, je vais vous embaucher. On parle d'adolescents, on va parler de l'adothèque avec votre camarade d'à côté. Mais on vous applaudit, Madame Lefebvre. Merci parce que Madame Lefebvre, elle bosse depuis 7 heures, elle a tout préparé. Vous avez été parfaite. Merci à vous. On donne la parole tout de suite à Camille. Camille, c'est l'adothèque justement. Alors on va se revoir, on a déjà des projets, les ados, on va venir vous revoir. L'adothèque, en deux, trois mots, ça marche comment ? C'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'adothèque ? Alors l'adothèque, c'est un... Parle bien près du micro. Ouais. Alors l'adothèque, c'est un espace jeune donc, qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans. D'accord. Qui se situe à Étrépagny. C'est ouvert le mardi, jeudi, vendredi, donc de 15h30 à 18h et le mercredi de 13h30 à 17h30. Donc à l'adothèque, on propose des animations, on propose aussi des sorties. Donc par exemple, là jeudi, on va à la fête de la musique avec des jeunes à Rouen. On propose aussi des soirées thématiques, donc que ce soit autour des jeux vidéo, voilà, des jeux en général. Dès le mois de septembre, sur l'adothèque, on a pour projet de mener des actions sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Vexin Normand. Voilà, et donc sur l'adothèque, il y a aussi deux camps ados qui sont proposés sur juillet. Donc un premier camp du 15 au 20 pour les 11-14 et un deuxième camp du 22 au 30 pour les 15-17. Très voilà. bien, donc rappelle-nous les âges pour l'adothèque à partir de... Alors c'est à partir de 11 ans. Ah oui d'accord, voilà. Jusqu'à 17 ans. Ok, je suis trop vieux. Merci beaucoup, on peut l'applaudir Camille, bravo, merci Camille. La Dothèque. On reviendra à la Dothèque. On a quelques idées. Et on va terminer par le côté patrimoine. Vous avez vu, hein, ça s'enchaîne ici, on se croirait, dans une émission où il y a 12 000 invités, mais c'est le cas. Et tant mieux, merci d'avoir joué le jeu. On termine avec Gwenola. On va se tutoyer. Tu es la toute dernière à plat. Voilà, on entend un peu le micro que tu as déplacé, mais c'est pas grave, c'est la dernière. Il reste 2 minutes 30. En deux, trois mots, cet été, on vient dans la communauté de communes du Vexin Normand. Toi, tu fais partie de l'office de tourisme. Tu es la directrice. Qu'est-ce que l'on peut faire? Allez, en deux mots. Bonjour Cédric. Donc, déjà sur le territoire du Vexin Normand, on a la voie verte, la voie verte Gisorganie, donc qui fait 24 km, et donc qui est un des plus beaux tronçons de l'axe Paris-Londres, donc très usité notamment par les cyclistes. Et la fête de la voie verte, c'est... La fête de la voie verte, donc c'est le 30 septembre. Voilà. Y aura de nombreuses animations, des structures gonflables, un marché artisanal, de la musique. Donc ça se déroule sur deux sites, à Gisancourt au hameau de Garny et également à Gagny. Très bien. En 30 secondes, qu'est-ce que l'on peut faire cet été chez toi ? Donc cet été, il y a des visites du château de Gisors qui sont proposées. Également des visites théâtralisées du château de Gisors. Il y a l'église. Il y a des marchés locaux. Donc à Étrépagny le mercredi, à Gisors le vendredi et le dimanche. Mmh. On a également donc les deux piscines pour se rafraîchir. Donc le tournesol à Étrépagny et Aquavexin à Trichâteau. Et puis on est bien. Je profite de cette respiration pour te remercier. Voilà. Merci beaucoup Gwenola. On a essayé d'être exhaustif, vous l'avez compris, l'accueil ici c'est très important pour les ados, pour les plus petits, pour les plus grands, pour les personnes âgées. Vous avez de quoi visiter, on a parlé du château de Gisors, mais pas que. Et vous avez surtout, ici on le sent, le côté rural, le côté humain. Et pour cela, je voulais vous applaudir. Merci pour l'accueil, bravo à vous. Il nous reste 20 secondes pour vous remercier, vous, auditrices, auditeurs d'Espace, d'avoir suivi cette émission particulièrement agréable. Voilà, on termine plutôt pas mal la saison. On reviendra au mois de juillet. Hein. Je crois qu'on va dans les bases nautiques au mois de juillet. Quel dur métier. Merci à Dodo à la réalisation, à Louvier. Merci à Quentin à la com ici aussi. Merci à toi. Merci à tes stagiaires aussi qui a très bien monté le son. C'est super. Bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir. Caroline Loeb. Paresseuse, elle est paresseuse, est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance. De savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligée de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est

dis-moi comment t'as commencé. Papa, mon papa, dis-moi comment t'as commencé. J'ai grandi sous ton aile, rien n'est plus solide que ce que t'as dans les veines. T'as pas les mots mais t'as les gestes essentiels. Et on m'a dit que le génie était si loin derrière toi. Sans jamais trop parler pour dévoiler que tu m'aimes. Tu m'as laissé des mélodies, des poèmes. J'ai pris le temps de récolter ce que tu sais, ma boule de bras. Mais dis-moi, papa, mon papa, mon papa, dis-moi comment t'as commencé. Commencer à changer ta vie, à prendre une guitare et à jouer dans ta vie. Comment t'as remplacé la peur par l'envie? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Et la musique te crève, ça tout le monde me l'a dit. À suivre tes rêves, est-ce que t'endormais la nuit? Comment t'as échappé au doute, à l'ennui? Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je te demande. Papa, mon papa, mon papa, dis-moi comment t'as commencé. Papa, mon papa, dis-moi comment t'as commencé. Faire de la musique peut causer tant de peine, mais je suis fier parce que l'histoire est belle. Papa, mon papa, mon papa, dis-moi comment t'as commencé. Dans mon miroir, tu m'as laissé le choix de mon histoire. Mais je marche dans tes pas comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Et je vois ton reflet dans mon miroir. Tu m'as laissé le choix de mon histoire. Mais je marche dans tes pas comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Papa, mon papa, mon papa, dis-moi comment t'as commencé. Le duo Ena Youssoupha à l'instant avec Papa Dis-moi sur Espace. Il est 9h09 et ça c'était ce matin dans le Morning Light d'Espace. C'est l'info originale de Johanna que l'on écoute comme chaque jour. 106.4, la plus normande des radios. Espace Radio. Chaque jour, une mission, une info originale. C'est Johanna. Mardi 19 juin, l'actu originale, c'est Johanna. Je la retrouve, elle m'entend, elle me voit même. Comment ça va? Ça va et toi Cédric? Ah, ça va bien. Toujours avec le fidèle chien qui est à côté de toi. Il garde toujours, son assise toute la semaine. Toujours, toujours. Bon, coucou à Maki. Alors, le panorama XXL, bon, il dégage, on peut le dire. À tes souhaits. Et encore à tes souhaits. Excuse-moi. Le panorama XXL, surnommé le pot de yaourt. Ouais. Qui trône, j'utilise le mot trône, fièrement et fidèlement sur les quais de Rouen, juste en face de la préfecture. Ouais. Va nous quitter. Oh, c'est dommage, il va être détruit alors. Il va être détruit, déplacé, on ne sait pas encore. Normalement, il aurait dû être enlevé, nous allons dire enlevé, car on ne sait pas ce qu'il va devenir, en 2019, sauf que le bail, avec des grands guillemets, a été prolongé jusqu'en 2021. C'est donc à cette date qu'on prévoit la disparition, la mort, toujours dans la joie et la bonne humeur, de ce pot de yaourt. C'est dommage, parce que imaginons qu'on ait les Jeux Olympiques. On n'aura pas le panorama XXL pour briller, nous, à travers cette compétition. Oui, alors, je ne sais pas si ce panorama nous aurait permis de briller. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il accueillait des expositions qui étaient fort intéressantes, et c'est quand même un trou dans la culture rouennaise. Mais pas de panique, tout est prévu et tout est pensé pour remplacer ce... Très bien, merci, Johanna.